partir, vous pouvez partir en vacances d'été. Vous pouvez y aller à Baltimore ou Blankenberg. Il vous faudra de toute façon en revenir. Vous pouvez y aller sans moi. Je vous laisse les départs en troupeau, le peu de ma place sur la plage, les belles frustrantes qui vous passent sous le nez pour aller danser sans vous. Les plaisirs à payer, le loisir forçat qui vous attend, je vous laisse tout cela. Partir, vous pouvez partir en vacances d'été. Je préfère pouvoir faire la grasse matinée toute l'année, ne pas être obligé de travailler, ne pas avoir gagné de congés payés. Récompense pour moutons appliqués. Partir. Vous pouvez partir sans moi. Je préfère toute l'année pouvoir faire la grasse matinée.